Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tableau de chasse, une série de Marie Guérin, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des traditions qui se perdent et ce n'est pas très grave. Des chasses mythologiques, l'héritage de l'ancêtre chasseur-cueilleur et le souvenir des invasions de lapins. Et puis il y a le plaisir d'enregistrer dans les bois et cette question, qu'est-ce que ça fait de tuer un animal d'une balle dans la peau ? Alors pour commencer, les personnages. Un proviseur de lycée agricole privé option chasse, le bon Saint-Éloi, un professeur de PS motivé et multitâche, un chasseur youtubeur, une lycéenne chasseresse et fille de chasseur, un président en campagne, une fille fière de son fusil, un jeune et son tableau de chasse, un artisan armurier, un directeur de fédération hyperactif et un patron de café à la vision globale. Ensuite, le décor. L'agriculture intensive, des bacs pro, la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, une formation piégeage, un foyer option baby-foot, le poids de la tradition, le vieux fusil de papa, une armurerie, des appos et un monde plutôt de droite. Aujourd'hui, troisième épisode, on commence par un match. Bac, mention chasse, un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Il y a Thomas Vacher, donc le prof de cinégétique, qui joue au handball face aux élèves. Décrire qui sont les profs sur le terrain. Alors les profs, élèves. Alors les profs, ils sont en vert. Il y a donc l'animateur sportif, éducateur Stéphane. Il y a le professeur de deux professeurs de sport, Thomas Vacher et Madame Boquet. Il y a un autre éducateur, Maxime Rousseau, et enfin le prof d'informatique, Monsieur Gaillard. Et les élèves, c'est qui? Là, c'est des secondes professionnelles qui sont donc en demi-finale du tournoi de Noël. Voilà. Vous êtes qui? Je suis Monsieur Bulot, le CPE. Curieux chasseur, ici en Autriche, secret et solitaire, il glisse sans bruit, tel des ombres, dans la profondeur des sous-bois. Là, dans les Cévennes, bruyants et conviviaux, il traque collectivement la grosse bête. Surprenante différence des techniques et des discours. Partout, cependant, il est question d'une même fièvre de la chasse qui pousserait les uns comme les autres à s'adonner passionnément à la poursuite du gibier. Partout, on évoque l'importance d'une initiation qui, seule, permettrait d'accomplir impunément un geste sanglant, implacable, dont la fin est identique en tout lieu, la mise à mort de l'animal sauvage. Le sang noir, de Bertrand Hell. On cherche le bureau de chasse de Monsieur Vacher. Option cinégétique. Dans le bâtiment là-bas. Tout droit ? Ouais, tout droit. Ok, merci. Non, rien. Au revoir. La piscine, ça a été ? Impeccable. Impeccable. Je suis arrivé à la bourre, mais impeccable. Ok. On est à Bapaume. À la limite du. Dans le Pas-de-Calais, à la limite de la Somme. Donc l'Institut Saint-Éloi, Bapaume, institut privé. Institut privé, ouais. Institut privé, enseignement agricole. Enseignement agricole, créé quand, vous savez? Alors là, je suis pas sûr, mais ça doit être 1953. Je suis pas sûr. Ça, faut peut-être demander au directeur. Et il y a une église au sein de l'établissement ou... Non, par contre, il y a une pastorale. Pastorale, c'est Monsieur Bulot, le responsable de vie scolaire, qui s'en occupe. L'accueil, c'est ici. Bon, regardez vite fait si le directeur est disponible. Ben, je suis Monsieur Orion, directeur de l'Institut Saint-Éloi à Bapaume. Donc on est là pour l'option synergétique que notamment Thomas Vacher a montée, c'est ça? Absolument. C'était l'an passé, c'est avec lui qui avait accepté de prendre la responsabilité de monter ce dossier-là, sachant que nous sommes le deuxième établissement en France à le faire. C'est ça. Donc c'est assez exceptionnel sur le territoire français. Tout à fait. Et puis dans un établissement comme le nôtre, où on scolarise encore beaucoup d'enfants originaires du monde agricole et rural, c'était normal aussi que on les forme à la biodiversité, à la responsabilité, parce que c'est pas que le permis de chasse. Faut être bien clair là-dessus. D'accord. Mais il n'y a qu'un modèle d'agriculture qui est enseigné. Non, parce qu'on apprend l'agroécologie, on apprend voilà. Et puis de toute façon, l'agriculture du 21e siècle, c'est clair qu'elle devra produire plus, mieux et en protégeant la planète. C'est de l'agriculture intensive ici. C'est de la grande culture, oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y a le revenu derrière, quand même. Et c'est ce qu'on enseigne à l'Institut Saint-Éloi? Ça fait partie de l'économie agricole et la gestion fait partie, effectivement, des cours, que ce soit en bac professionnel comme en BTS. Et aujourd'hui, quand on voit comment le matériel agricole évolue, comment les techniques culturales évoluent, c'est vrai qu'un jeune agriculteur qui s'installe aujourd'hui, il fera absolument pas ce qu'a fait son père, et a fortiori son grand-père. Alors que dans le temps, on succédait de père en fils. Aujourd'hui, c'est fini. On succède toujours de père en fils, mais là, sur le plan juridique. Mais sur le plan agricole, on ne forme pas que des chauffeurs de tracteur, quoi. C'est fini, ça. On peut être chauffeur de tracteur tout en étant, effectivement, un exploitant qui fait de la gestion, qui fait des projets, qui manage, qui gère des personnels, parce que c'est pas une activité si facile que ça, mais qui est malgré tout porteuse d'avenir. Et qu'est-ce que ça apporte au futur manager agricole de cette option chasse? Qu'est-ce qu'il va y trouver? C'est du loisir aujourd'hui. Voilà. Mais c'est important que ce loisir-là, il le fasse en tant que responsable et pas comme certains pourraient dire. C'est des chasseurs, quoi. Hein, voilà, ils sont là pour tuer. Non, ils sont là aussi parce que c'est une activité de loisir. Quelle est la différence entre chasse et synergétique? Ça, c'est une bonne question. On va demander à Thomas. Oui, je pense que c'est à la Fédération des chasseurs qui était présente ce matin, je crois. Oui, vous êtes en partenariat, du coup. L'Institut Saint-Éloi, voilà. Donc l'Institut privé Saint-Éloi est en partenariat avec la Fédération Pas-de-Calais. Tout à fait. On n'aurait jamais monté ça sans eux. D'accord. Mmh. Et là, aujourd'hui, il y a piégeage avec la Fédé. Oui, ça fait partie du jeu, ça. Il y a le piégeage, la venaison, le brevet grand gibier, tout ça, ça fait partie de cette activité de loisir. Mais qu'on se respecte. Bon. Et l'Institut Saint-Éloi a... L'Institut est né en 1953 de la volonté d'agriculteurs et d'un prêtre qui s'appelait l'abbé Roussel et qui ont créé ce qu'est devenu l'Institut Saint-Éloi aujourd'hui. Voilà. Et vous, il y a des messes proposées aux élèves? On en a fait une le jour de la Saint-Éloi, puisque la Saint-Éloi, c'est normal, c'est notre Saint-Patron, et donc il y a une messe qui est proposée aux élèves. Et c'est Saint-Éloi qui est dans la salle de la cheminée? Absolument, où il y a la formation piégeage. Vous voyez le vitrail qui est juste à l'entrée, qui symbolise Saint-Éloi, donc avec son marteau et l'enclume, puisqu'il était maréchal ferrant. Donc chaque année, vous priez Saint-Éloi voilà, à l'occasion comme d'une messe. Dans toute la ruralité, faites Saint-Éloi. Hein, les agriculteurs, en général, c'est tous ceux qui travaillent le fer. Et ruralité et chasse, ça va de pair? Ça fait partie du territoire. Ok. On va aller voir Thomas Vacher, là. Ouais. Sacrée journée, là, Thomas. Piscine. Journée piégeage organisée avec la Fédé, donc vous êtes en partenariat avec la Fédé. C'est bien ça. Match de hand avec les élèves, face aux élèves. Tout à fait. Les profs face aux élèves. Option synergétique ce soir, et vous donnez un cours à 15h30. C'est ça. En tant que prof de PS. Tout à fait, du 3x500 mètres. Comment vous aviez eu l'idée de monter cette option synergétique? Alors, moi ça a commencé, j'ai vu un reportage à la télé sur... un lycée dans l'Aude qui avait créé cette option. Dans l'Aude? Ouais. dans l'Aude, de mémoire, ça doit être Saint-Joseph. Donc c'était, j'avais ça dans le coin de ma tête, et un jour par hasard, ici, avec le directeur des études, qui me demande si j'ai vu le reportage, et ouais, et je dis, il me dit, t'es pas chiche de le faire, et puis voilà, c'est parti comme ça. L'examen a débuté. Merci. Concentration absolue pour ce jeune lycéen. Il sait que cette épreuve peut lui rapporter des points au baccalauréat. Peu importe s'il atteint la cible, l'examinateur juge sa capacité à évaluer les dangers. Même si l'enseignement de la chasse est facultatif, il est pris au sérieux. Comme lui, ils sont seulement 15 en France à présenter cette nouvelle discipline du baccalauréat. Option officialisée cette année par le ministère de l'Agriculture, alors qu'en réalité, l'enseignement est dispensé depuis 2003 à l'Institut Saint-Joseph de Limoux. Suite à l'ouverture de l'option chasse à Limoux dans l'Institut privé Saint-Joseph en 2017, des voix se sont élevées contre l'enseignement de la chasse à l'école. Les réactions furent vives. Cette matière permet de rajeunir la population de chasseurs, aujourd'hui vieillissante, et surtout casser les stéréotypes. Précurseur, la Fédération des chasseurs de l'Aude espère voir ce concept copié en dehors de ses frontières. Donc l'enseignement agricole en France, on va dire ça, c'est à peu près 150 000 élèves, à comparer aux 12 millions de l'éducation nationale, hein, et qui appartiennent au ministère de l'Agriculture. Donc en clair, l'enseignement agricole en France, c'est l'équivalent de l'Académie de Grenoble. Hein. Si bien que vous ne trouverez pas forcément à côté de chez vous l'établissement qui répond exactement à vos attentes en termes de formation. Dans le Pas-de-Calais, vous avez l'établissement public de Tilloy-les-Moflaines, vous avez notre établissement, il y a celui d'Air-sur-la-Lys, celui de Coulogne, celui de Bucquoy et de Savy-Berlette pour l'enseignement privé. D'accord. Après, il y a quelques maisons familiales et puis il y a un établissement à Berck qui dépend de l'UNREP. Et ça coûte combien de s'inscrire à Saint-Éloi ? Allez, par jour, on est à peu près à 22 euros pour un élève interne. D'accord, à l'année, du coup ? Du coup, on doit être à peu près à 355 euros, ça dépend des classes, tout frais compris, par mois, sur 9 mois, puisqu'on ne prélève pas en septembre. On nous a dit qu'il y avait des fratries entières qui passaient à Saint-Éloi, donc ouais. Il y a une forte reproduction. Alors la reproduction, je ne sais pas, mais en tout cas, on a 6530 à peu près anciens aujourd'hui. Quand les papas sont venus, on voit arriver les enfants. Voilà, c'est la continuité logique. Depuis l'ouverture, on peut compter trois générations qui sont passées, grand-père, père et fils. Oui, exactement. Puisque notre président Jules Lotte, par exemple, qui est notre président d'honneur aujourd'hui, a été élève ici dans les années 55. Et il a été président de l'établissement et tous ses enfants sont passés par ici, les petits-enfants. On va voir le club. Allez. Le club de chasse. On va en bas ? Ah ouais, comme vous voulez. On va voir le club, non ? Ah bah ouais, comme ça vous allez voir le foyer. Ouais, vous allez voir le foyer, ouais. Bonjour Max. Bonjour. Marie. Enchanté, Maxime. Et sinon, voilà le logo. Hop. Vous pouvez me le décrire ? Alors, il y a le logo de l'Institut Saint-Éloi au centre. Ça a été fait comme un écusson. En haut à droite, on a deux pigeons. En bas, en dessous du logo de l'Institut, on a un lièvre. Et après, on a un cerf en haut à gauche. Des pigeons ramiers. Voilà, c'est ça. Très bien. Pigeons ramiers. Et puis, l'épi de blé qui représente le monde agricole. Ouais. C'est ça. Babyfoot à 1,50€. Ah, c'est la balle. C'est la balle de babyfoot. Là. Ah oui, ils ont un bon niveau ici, ils adorent le baby-foot. C'est pris d'assaut au récré. Bah là pour l'instant il y a un tournoi par exemple. Et la finale aura lieu aussi pendant la fête de Noël, comme la finale qu'on a jouée. Là maintenant on est en finale de handball qu'on va jouer aussi. Si je prends quelqu'un, c'est pas toi. Lucie, parle de ton trompé. Il y a un de vous qui fait partie du club chasse. Oui. Bonjour Hugo. Bonjour. Est-ce que tu connais le patron des chasseurs ? Oui. C'est qui ? Willy Schramm, de la Fédération. Il y a un autre, ici c'est Saint-Éloi, votre figure tutélaire, mais le patron des chasseurs c'est Saint-Hubert. Hein ? T'en as déjà entendu parler ? Non. Et Willy Schramm, oui, c'est le président de la Fédération nationale. Et dans ta famille en chasse ? Oui. Mon père, mon grand-père, mes tontons. C'est un peu obligé alors d'aller chasser ? Tu peux pas choisir un autre loisir ? Bon, il y a... Si, il y en a, mais... C'est pas un peu lourd, des fois, le poids de la tradition, comme ça ? Non, moi, ça me plaît. J'y vais que... Moi, je vais à la hutte, en pleine. Non, j'aime bien. Bon, après, mon grand-père, il parle presque couramment pas tout, donc... Bon, moi, non, mais... Mon grand-père, quand il me parle, il... Pas non plus le patois. Mais... Pour dire chasse, il y a un mot de patois ? Ouais, on peut, mais on le dit pas forcément. On va à le chasse, à le cache. Et tu vas sur Internet regarder des vidéos de chasse ou... Ouais. Tu nous donnes une référence ? Vas-y, je... Filiou. C'est comme ça que ça s'écrit ? Ouais. Ouais, c'est comme ça. Mais il va faire des choses partout. Il est invité partout. D'accord. Que ce soit à la hutte, au gros gibier, dans des domaines, partout. Pourquoi ? Parce qu'il est très compétent, c'est un super... Ouais, compétent, il connaît, grâce à YouTube, il connaît du monde. Merci Hugo. Salut les passionnés et bienvenue sur ma chaîne Feliou Chasse. Et pourquoi Feliou ? Alors Feliou, c'est mon surnom. Et pourquoi chasse ? Ça va pas être une chaîne YouTube sur la chasse quand même ? Alors que vous soyez anti-chasse, simplement curieux, un amoureux des bêtes, juste intéressé, ou bien alors complètement passionné, eh bien vous êtes tous les bienvenus pour découvrir, vivre et partager la chasse en images. Alors qu'allez-vous trouver sur ma chaîne ? Première rubrique, moment de chasse. Pourquoi avais-tu envie de nous rencontrer ? Tu t'es porté volontaire, m'a dit Thomas Vacher, ton professeur. Déjà parce que pour moi, la chasse, on va dire que malheureusement, on est dans un contexte où la chasse est mal vue. Donc je voulais m'exprimer en tant que chasseur, et aussi donner mon point de vue sur l'option. Grâce à l'Institut Saint-Éloi, pardon, on peut profiter de l'option qui peut nous ramener des points pour le bac. D'accord. Là, on est à Bapaume, dans le sud Artois. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le paysage déjà ? Bon, on est sur un paysage avec des grandes parcelles. C'est surtout des grandes plaines situées près des villes. En gros, c'est des zones agricoles périurbaines. Et les agriculteurs, ils essayent de jouer avec les villes, l'extension des villes pour pouvoir garder leurs terres et maintenir la biodiversité du territoire. Fragmentation éco-paysagère, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Mais ça fait longtemps que le Nord-Pas-de-Calais est un cordon de villes qui s'enfilent les unes après les autres, de villes-routes. Voilà. Et surtout ces zones-là. Plus on descend dans le nord, vers l'Avesnois, tout ça... C'est plus des zones rurales avec des bocages, des pâtures. Moins de grosses villes étendues. Donc c'est particulièrement délicat de chasser par chez toi. Ouais, c'est ça. Il faut respecter les gens qui y vivent, les gens qui font du vélo, des footings, tout ça. Il faut savoir jongler avec ces aléas. Je me demande comment on chasse ici. C'est beaucoup des battues au petit gibier où il y a, on va dire, beaucoup de monde, des sociétés de chasse qui se mettent en ligne pour battre les champs, pour pousser, souvent des postés. Pour moi, c'est une chasse traditionnelle. C'est pas une tradition, mais c'est des gènes qui se transmettent de famille en famille. Alors, est-ce que tu chasses ou tu traques seulement ? Parce qu'on a rencontré que des femmes qui traquaient. Donc, j'ai mon permis de chasse, je l'ai passé au mois de mars. Et oui, effectivement, je chasse. Donc, je suis plus chasse au bois que chasse en plaine. Donc, je chasse avec mon père. Du coup, il est très content que sa fille chasse avec lui. Ouais. Il a des fils ? Non, deux filles. Qu'est-ce que tu penses qu'il a le sentiment de te transmettre à ton père ? Il est heureux que savoir qu'il a deux filles, qu'il a une fille et Enfin, souvent les filles, déjà les personnes n'ont pas l'image de la fille qui chasse pour elle. Enfin, la fille, c'est la fille qui va en ville, tout ça. Et une fille qui chasse, quand on dit ça aux personnes, waouh, elle a son permis de chasse, c'est bien. Et du coup, je pense que mon père est fier quand même que sa fille a eu son permis de chasse et qu'elle puisse chasser avec lui. Et donc, il y a un certain Yann qui étudie rhinocéros de UNESCO l'an passé et qui, cette année, s'est inscrit en option cynégétique et faune sauvage. Ouais, donc ça doit plutôt dater d'il y a 2 ans, puisqu'il a commencé l'option en première. L'option, c'est obligé sur les 2 années. Et c'est possible. C'est possible qu'il avait commencé le théâtre en seconde et qu'en arrivant en première, il a eu l'opportunité de prendre cynégétique et qu'il ait fait ce choix-là par passion. Donc là, en 2018-2019, c'est la première année. C'est la première promotion qui va passer l'examen et dont les points vont compter pour le bac. Pourquoi vous vous êtes proposé ? Vous êtes prof de PS, de sport. Mm-hmm. Pourquoi vous avez eu envie de monter ce dossier ? Premier point, c'est par passion aussi. Moi, je suis chasseur depuis mon plus jeune âge. Donc c'était une passion que j'avais en commun avec les élèves. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça dans l'enseignement agricole, ça répondait en plus aux attentes des élèves. C'est ce qui m'a motivé pour lancer le projet. Donc l'objectif, c'est ça. C'est non seulement d'acquérir une connaissance sur la faune sauvage, mais aussi de favoriser la reproduction, d'aménager le territoire. Donc en partenariat avec la fédération, on plante des haies, par exemple, pour essayer un petit peu de préserver tout le gibier. Le dossier que vous avez monté pour monter l'option, oui. Après vous l'avez déposé, vous l'avez fait remonter, mais c'est le ministère de l'Éducation en fait. De l'Agriculture. De l'Agriculture, ouais. Ouais, d'accord. Ici, c'est... Le lycée dépend du ministère de l'Agriculture. C'est ça. Moi, en ce qui me concerne, donc l'option ici à Saint-Éloi, elle est ouverte pour bac pro et bac techno. Donc on a aussi un bac S qui en lien avec l'Éducation nationale, je ne peux pas proposer l'option au bac S. Vous étiez obligé de trouver cette association, ce partenariat avec la Fédé? Moi, c'était pour être vraiment donner du sens, être légitime vis-à-vis des élèves et puis vis-à-vis aussi du ministère et puis des instances dirigeantes. Montrer que ici c'est un lycée agricole, il y a des agriculteurs, on forme 2 futurs acteurs du monde agricole et la fédération fait vraiment office de référence pour tout chasseur qui se respecte. Donc, je pouvais pas envisager ça sans eux. Ça représente quoi, la Fédé? Quand vous étiez petit aussi, ça représentait quelque chose, la Fédé? Non, quand j'étais petit, j'avais pas connaissance de tout ça. Quoi. La Fédé, moi, quand j'étais petit, ça se limitait aux gardes. C'est-à-dire, tu peux être contrôlé à la chasse. Quoi. La Fédération Nationale des Chasseurs a envoyé 22 propositions de réforme aux candidats à l'élection présidentielle pour simplifier la chasse, dynamiser le monde rural et servir la nature. Les candidats ou leurs représentants venus à l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale le 14 mars dernier ont bien voulu apporter leur réponse à certaines de ces propositions. Voici celle de Monsieur Macron. Moi, vous l'avez compris, j'ai une politique de la ruralité, j'ai des principes clairs sur la chasse, mais ça restera au ministère de l'Environnement. Fédération de chasseurs, faciliter l'accès à la chasse en confiant de nouvelles missions aux fédérations. Nous ferons également en sorte de faciliter l'accès à la chasse et de mieux former les jeunes générations. Vous le savez, je suis très attaché à la formation de nos jeunes, et dans le domaine, il y a aussi des initiatives que vous portez, que vos associations portent, mais que je compte également accompagner. Le bénévolat associatif. Instaurer un volet d'incitation. Combien il y a de chasseurs dans le Pas-de-Calais? On est environ à Stéphanie Catlin. 33 000 chasseurs. C'est un gros département. On est la 2e fédération de France en nombre de chasseurs. On est plutôt moteur avec le président Schrein et son conseil d'administration. Ils sont assez moteurs au niveau national. On a trop souvent découragé l'esprit d'initiative. Merci pour votre attention. Vous avez parlé de cette réforme avec vos élèves, de l'option cynégétique et faune sauvage? Pas tellement. Ils sont au courant. Donc, on en a parlé avant qu'elle existe, puisqu'on a entendu avant que ce soit validé, officialisé. Mais depuis que ça existe, on est parvenu dessus, puisque c'est un acquis, tout le monde, ils sont au courant. Dès qu'ils ont du temps libre, ils lisent les magazines de chasse, donc tout ça, ils savent quoi. Ils savaient qu'Emmanuel Macron avait assisté à l'Assemblée Générale avant d'être président et serré la main de Willy Schran. Ça ils savaient, avec Nicolas Hulot à l'époque. Ouais. Ouais, tout ça ils savent. Ça, on en discute. Après, on n'a pas épilogué là-dessus, puisqu'on a assez de boulot avec la connaissance des espèces et l'aménagement du territoire. Mais je leur ai dit, je leur ai expliqué. Et il y a deux autres points dans la réforme, la gestion adaptative des espèces. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Faudrait voir. Il y avait une police spéciale au NCFS. Ouais. Il y avait trois points dans les cadeaux d'Emmanuel Macron aux chasseurs. Dans la réforme, ça vous dit quelque chose? La gestion adaptative, de toute façon, chaque espèce est différente, donc forcément, il y a une gestion adaptative. Après, les détails de la réforme, je ne connais pas ça parfaitement. Ce sont tous de futurs agriculteurs. Agriculteurs ou peut-être il y aura des commerciaux, enfin ils sont voués dans le monde agricole. D'accord. Les commerciaux, et donc ici nous on a aussi un BTS dans le machinisme agricole, donc s'ils se destinent là-dedans, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Mais c'est pour ça, par exemple, l'aménagement du matériel agricole fait aussi partie des choses qu'on voit en option. Comment créer par exemple une barre d'effarouchement? Quel est l'intérêt? Bien sûr, c'est pour faire fuir le gibier avant le passage des machines. Mais tout ça, c'est tout des choses qu'on voit ensemble. D'accord. Et vous, votre permis, vous l'avez passé en quelle année? En 98. Et votre premier fusil? C'est toujours le même. C'est le fusil de mon père. C'est le fusil de mon père, superposé, voilà, on est allé ici chez l'armurier à Bapaume, chez Fauvel. Et on a fait la mise en conformité, en gros, pour qu'il soit adapté à ma vue, etc. Et depuis ce temps-là, une arme, ça s'entretient, et j'ai toujours le même fusil. Ok. Bon, on y va demain, chez Fauvel, avec des apprentis. Eh ben, c'est parfait. Moi, j'ai pas encore tué d'animaux, jusque-là. J'hésite encore. J'aime bien tirer sur des cibles, donc en ball trap. Et je vais à la chasse avec mes grands-parents, mon père. Alors mon père, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas chassé. Et comme j'ai pris ma validation l'année dernière. Il a repris aussi sa validation pour venir avec moi. Et on a tous chassé en famille. Et on se promène. Et on profite des terres familiales en même temps, de la nature. Et c'est vraiment, ça nous rapproche vraiment de la nature, profondément. Il n'a pas de fils, ton père? Si, si, si, j'ai un frère, il s'appelle Charles-Étienne. Il est plus jeune, il a 13 ans. Il n'a pas encore l'âge de chasser. Et il ne sait pas encore s'il va chasser. Et pourquoi tu hésites à tirer pour le moment? Le fait de tuer les animaux, quand même, je réfléchis encore avant d'avoir le réflexe. Je sais pas si ça viendra, on verra. Mais c'est toujours une fierté de se balader avec un fusil, surtout quand on a une fille, sur les terres familiales, c'est assez traditionnel. Tu as déjà tiré, du coup, un grand gibier? Alors, pas qu'un. J'ai déjà prélevé 10 sangliers, 4 chevreuils et un faon. Donc j'ai jamais connu des tableaux de chasse extraordinaires, juste ce qui suffit pour avoir passé une bonne journée, quoi. Donc j'ai jamais été écœuré de la chasse. Vous possédez combien de terres, tu sais, si tu dois savoir l'étendue? Je sais, mais c'est quelque chose qui se dit pas, donc généralement on le dit pas, les agriculteurs, ils le gardent pour eux. Et quelle exploitation ils ont? C'est une ferme principalement céréalière. Betteravière, c'est ce qu'on cultive dans l'Oise. Et dernière question, tes parents sont dans le milieu agricole? Oui, mes parents sont du milieu agricole, donc une ferme de polyculture élevage. Donc on fait des céréales et des bovins charolais. Et du coup, je suis intéressée par le métier agricole et ma sœur aussi, donc c'est génial. Mes parents sont heureux. Ouais. Vous allez reprendre ? Reprendre l'exploitation, ça, je ne sais pas. Enfin, c'est la question que je me pose parce que, enfin, avant, j'aimais pas du tout ce milieu-là, mais au fur et à mesure que je grandis, je m'intéresse à ce milieu-là. Tu vas vous fêter la Saint-Hubert ? Non, non, non. C'est le saint patron des chasseurs. Non. Mais il s'est retrouvé dans la forêt un jour face à un cerf et il s'est converti au catholicisme, à la religion. Tu es croyant ? Oui. Et c'est une terre ici, le Nord-Pas-de-Calais, là on est dans le sud d'Artois, une terre fervente, une terre... Je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne saurais pas dire. Tu sais comment on vote ici ? Non. Je peux pas. Au Saint-Hubert, patron des grands de chasse. Après, c'est toi qui exaltes et la fanfare au galop. En suivant le gibier à la trace, tu le forces sous l'élan des chevaux. Merci. Bonjour, bonjour Madame Michaud. Voilà. Bonjour, Bartholomé. Pour aller se rendre à l'armurerie, donc j'avais dit à Gauthier et Henri. Donc vous pouvez vous lever, vous allez les accompagner. N'ayez pas peur, ils vont pas vous manger. Allez. Et juste pour situer, là vous êtes dans quelle filière ? Bac pro par apprentissage, c'est mes classes en fait. Voilà, c'est les apprentis en terminale. D'accord. Et dans quelle matière apprentissage ? Polyculture élevage. Voilà. Ok. Voilà. Allez-y. Bon, merci de nous accompagner. Merci. Vous êtes déjà allé à l'armurerie Fauvel ? Non, jamais. Justement, je voulais y aller. Je n'ai jamais été déjà allé, toi ? Non. Ça, c'est une rénovation qu'on fait sur une crosse de... une occasion, en fait. L'armée à neuf. Bah ici, on a l'atelier Fauvel, en fait. Hein. On fait réparation des armes qu'il peut vendre ou des occasions qu'on reprend, en fait. Je m'appelle Emeline Pégard. J'ai 18 ans et je suis dans la première promo de Cinégétique et Faune Sauvage de M. Vacher à l'Institut Satello. Monsieur Henrion vous autorise à sortir de l'établissement et à rater des cours pour passer le permis de chasser. C'est ça. En fait, c'est un truc aménagé. C'est une journée ou deux jours. Moi, c'était l'année dernière où j'ai raté le plus. Mais bon, c'était pas aussi gênant que cette année parce que cette année, c'est le bac. Mais ouais, il nous autorise. Tous ceux qui veulent faire la formation, qui veulent passer notre permis de chasse, toutes les formations que la fédération nous propose. Oui, il accorde, et puis c'est plutôt pas mal. En fait, je chasse depuis que je suis toute petite, en gros. C'est de mon grand-père à mon père et à mon frère de cette famille, en fait. Et c'est mon père qui m'a tout appris, et surtout mon grand-père, parce qu'il est piégeur. C'est le plus vieux piégeur du Pas-de-Calais. Il a reçu une médaille en 2013, je crois. Et... c'est un peu la fierté de la famille, en fait. De ce fait, j'essaye de lui ressembler un peu pour la chasse, quoi. De ce fait, à chaque fois que je ramène un truc ou quoi, il est content et c'est mignon, quoi. Mais sinon, j'aimerais bien lui ressembler. C'est pour ça que j'ai fait toutes les formations qu'ils ont proposées. Donc, je suis piégeur. J'ai fait ma formation cette année de tir à l'arc, parce que l'année dernière, j'ai pas pu le passer. Parce que j'avais permis de chasse en même temps, donc je ne peux pas être partout. Donc j'ai mon permis de chasse et j'ai une formation venaison aussi, donc c'est détection des maladies. Et par contre, grand gibier, je peux pas avec le bac et tout, ça va être trop compliqué. De ce fait, vu que c'est une formation très difficile, je préfère pas passer à mes études que ça, c'est un loisir. Et puis c'est surtout les moyens, c'est pas tout le monde qui peut aller en grande chasse comme ça. Puis on n'est pas tout près non plus d'ici. Souvent, c'est un peu au-dessus de Paris ou en dessous de Paris, de ce fait, c'est pas tout près non plus, donc voilà. Tu veux travailler dans quoi ? Je veux faire soit magasinier dans une concession ou ouvrier agricole. Et plus particulièrement dans les vaches, polyculture et vaches. plus diversifié. Et je voudrais aussi des cibles. Des petites cibles pour la carabine à pont. Ouais. Voilà. Voilà, là, on a combien de bons. Ouais. Je vous laisse avec Amandine. Merci, monsieur. Bonjour. Monsieur Vicentini ? Oui. Marie. Monsieur. Madame. Bon, bah merci de nous accueillir. Bah, c'est avec plaisir. Ça vient d'ouvrir ? Oui, tout à fait. 9h. Donc, on est accompagné par Henri et Gauthier, qui viennent de l'Institut Saint-Éloi, qui sont apprentis dans la filière polyculture-élevage, qui sont chasseurs tous les deux. Ouais. Très bien. Voilà. Ils enfin, des jeunes. Bah, c'est le sujet, la transmission de la chasse. C'est une population qui vieillit assez, hein, avec une moyenne d'âge de 60, actuellement, 67 ans. Hein. Sur la France entière ? Ouais, ouais. D'accord. Donc c'est pour ça, ça fait du bien d'avoir un peu de renouvellement. D'accord. Et donc il y a une armurerie au sein d'une ville de 3500 habitants. Ouais. Depuis quand ? Ici, ça fait une trentaine d'années. Pas beaucoup d'armureries en France qui actuellement sachent encore mettre les fusils à conformité. C'est-à-dire adapté à la morphologie de chaque chasseur ou tireur. C'est bizarre, ces gars, ils sont en noir comme ça. Ça, c'est pour les. Ils sont pas, tu vois. Ils sont pas quoi ? Ils sont pas en bois. On est en métal comme ça. Il y a plus quoi, c'est beaucoup plus pour la chasse en. Comment c'est ? Mais ça, c'est des fusils pour faire du. Ouais. Puis même en. Quand c'est en hutte, avec le sable, tu abîmes surtout le bois et le canon. C'est plus facile. Quoi. Alors, est-ce que vous voyez souvent venir des jeunes pour qui viennent Du lycée, leur... oui, on en a souvent. Ah oui, ah, c'est oui, vrai. Oui, oui. Oui, on en voit beaucoup. Oui. Ils viennent rêver ou ils viennent vraiment passer à la caisse? Les deux. Ils viennent rêver seuls, après ils passent à la caisse avec les parents. Quand ils savent pas quoi foutre entre deux cours. Ils viennent ici. Non, mais c'est vrai, si on les voit souvent. Ce sont de futurs agriculteurs, souvent ou Oui, c'est pour ça, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, c'est des futurs clients. Donc, pour ouais. vous, ça va de pair. Ah bah oui, un agriculteur devient un chasseur Pas systématiquement. C'est pas systématique, non. Non, non. Mais bon, beaucoup. Beaucoup. Et pourquoi? Comment vous l'expliquez? On aime le gibier, on aime le voir. Et puis, c'est... C'est une tradition. Ouais, c'est quelque chose qui se transmet un peu et... C'est une passion. Tout comme la ferme qui se, ou l'entreprise familiale qui se transmet. C'est, ouais, c'est ça. On est dans la reprise dans une terre assez traditionnelle. Voilà, et puis ils chassent sur leur terre. C'est quelque chose aussi. C'est ça aussi qui fait que c'est quand même quelque chose qui est, somme toute, un petit peu normal. Les c'est dans la. Voilà. Les agriculteurs chassent sur leur terre. On voit nos pères, on voit nos grands-pères chasser, du coup, ça nous donne forcément envie de chasser. Ouais, mais vous pourriez avoir envie de faire autre chose. Il y en a, oui. Il y en a. Alors, généralement, ils se mettent à chasser à 16 ans. À 18 ans, ils arrêtent. Puis reprennent après à 24, 25. Parce qu'entre deux, il y a les filles. Faut choisir. Et vous, vous êtes chasseur, monsieur Vicentini ? Chasseur-tireur, oui. Chasseur-tireur. Oui, oui. Vous savez combien il y a de permis de chasser dans la région et en, dans, et en France En France, il y en a 1 200 000, mais réellement de chasseurs, il y en a 1 000 000. Sachant qu'il y a encore 20 ans, il y en avait 2 500 000. Mais là, l'année dernière a été la première année où le nombre de chasseurs n'a pas diminué. Okay. Hein, grâce à l'action du nouveau président de la fédération, M. Schran, hein, qui a mis plein d'actions en place pour faire en sorte que d'attirer les jeunes à la chasse et de limiter les départs de chasseurs. Quoi. Alors comment il a attiré les jeunes? En faisant des facilités au niveau des paiements des permis, en donnant des permis gratuitement ou sur plusieurs années, en faisant des informations dans les écoles, il a mis pas mal de choses en place et il va en mettre encore d'autres en place aussi. Vous savez donc que l'option cinégétique s'est montée il y a un an, un an et demi. C'est la première promotion qui va passer au bac en 2019 avec cette, et présenter cette option. Et donc cette option est en partenariat avec la Fédération du Pas-de-Calais. Vous le savez. Tout à fait. Donc avec Willy Schran. Je suis loin d'être un saint et je ne m'appelle pas Hubert, mais je prie Saint-Hubert. Je prie Saint-Hubert comme beaucoup de... Beaucoup de mes collègues, mais oui, je suis le patron donc des Chasseurs de France. Lourde tâche. C'est un petit peu la jeunesse qui m'a fait réfléchir à tout ça. Cette jeunesse aujourd'hui qui change complètement les choses. Dans 20 ou 30 ans, peut-être même avant, probablement avant, déjà maintenant, on chassera plus dans un seul département. On chassera de moins en moins dans son village. On chassera un peu partout. On aura plus une chasse à la carte. Hein. Ce qui est d'ailleurs un petit peu logique. Je pense que une de nos erreurs aussi, ce serait de vouloir, je dirais, déplacer les traditions. Ça, c'est pas une bonne chose. Il y a des territoires qui sont inféodés à une forme ou à un mode de chasse et ils doivent le rester comme ils le sont. Et d'autres, effectivement, ont d'autres modes de chasse et d'autres espèces chassables. Donc, il vaut mieux imaginer de faire voyager les gens sur l'entièreté du territoire national à moindre coût, parce qu'on sait que c'est ce que demandent les jeunes. Demain, et le demain est incertain en durée, mais demain, vous chasserez probablement à la carte dans une saison de chasse, vous irez chasser quelques jours le petit gibier à Rubrook, dans le Nord. Vous irez chasser ensuite quelques jours peut-être le canard en baie de Somme, et puis vous irez peut-être chasser quelques jours le sanglier dans le Gard, ou dans le Var, ou dans le Loiret. Et c'est un petit peu ce changement de répartition géographique de nos chasseurs qui nous a fait prendre conscience que de par l'évolution de la société, le territoire minimal ne peut devenir que le territoire national. Voilà. Et ça, il fallait absolument avoir cette réflexion de fond. Si on voulait pas se retrouver à un moment en marge de cette évolution sociétale et cette envie, cette demande de la jeunesse cinégétique. Et des fois, quand vous revenez, vous allez manger, passer les fêtes de fin d'année, par exemple, chez votre sœur ou votre beau-frère ou je ne sais pas. Et puis, les chasseurs aussi. Et là, il fallait reprendre un permis, il fallait remettre un coût important. On va recréer aussi cette chasse familiale qui est importante dans cette transmission que vous mettez en avant. C'est retrouver ses valeurs. Et je pense qu'avec un permis à 200 euros, on va réunir des familles. Et ça devrait recréer effectivement des possibilités de se retrouver sur ce socle cinégétique et sur ces valeurs rurales. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est avant tout pour ça qu'on a créé ce permis-là. Moi, c'est une journée entière. J'ai passé une journée dans un bureau où ce qu'ils nous expliquent un peu tout. Après, j'ai passé 2 heures qui t'expliquent le parcours, ce que toujours tu passes le permis. Allez, à tout à l'heure. Et après, tu repasses une journée quand tu passes et tout. Non, mais genre, ils nous ont pas appris, tu vois, à manier, à nettoyer, tout ça. Non, avec la fédération, moi je l'ai fait. En fait, c'est une journée où tu fais tous les trucs que tu fais en vrai quand tu passes ton permis. Donc, maniement de la carabine, maniement du fusil, les silhouettes qui se tournent. En fait, quand le plateau il part, il se tourne. Ouais. Bah, nous, tout ça, tu passes en une journée. Et si tu veux, t'as une journée en plus encore pour, si tu veux, l'apprendre. C'est gratuit et tu fais une journée de plus. Non, on peut proposer ça. Bah, c'est ce que t'as fait sur la journée. Moi, je l'ai fait sur une matinée même pas. Ah bah nous, on a passé une journée et on avait le site de la fédération pour encore s'entraîner. D'accord. Là, il y a formation piégeage organisée par la Fédé au sein de l'Institut Saint-Éloi. Donc on va ramener ces jeunes hommes là-bas. Christophe Marquez, quartier de Bapom. D'origine portugaise, ouais. On n'a pas beaucoup dans le secteur. Et en soi, oui, ça c'est clair, oui, toujours. Vous, en tant que cafetier, vous les voyez, ces jeunes de l'Institut Saint-Éloi, ici, notamment les BTS, c'est ça, mais vous les voyez débarquer Oui, bah, tous les ans, depuis maintenant quelques années, oui, ils ont pris pour le café comme fief, donc c'est leur établissement. Donc souvent, il y a des diplômes qui sont inscrits, ils sont installés au moment de la remise des diplômes, donc souvent ça va être en mars, donc ils vont arriver, ils vont déposer leur diplôme, puisqu'ils passent 2 ans, et 2 ans ils fréquentent l'établissement. Que représente le monde agricole dans cette région, Bas-Palmoise et Sud-Artois? Alors, une grande partie du travail, de l'emploi, puisqu'on est à peu près, je crois que le territoire de Bapom, c'est 60% de la production de l'endive nationale. Donc c'est une grande terre agricole, Donc c'est rempli de champs aux alentours. Vous avez des grosses exploitations de 1000, 1200, 2000 hectares, mais en production, que ce soit en pommes de terre, que ce soit en endives, et maintenant, depuis très peu, des fraises aussi, des serres avec des fraises. Mais là, l'Institut forme plutôt des cadres, des agronomes, des cadres... Vous avez deux sections. Vous avez la section exploitation et vous avez la section mécanique. Donc une partie où ce sont des exploitants, donc des chefs d'entreprise, et une partie où vous avez des techniciens agricoles, des techniciens en mécanique agricole ou après des chefs d'atelier. Donc c'est pas trop en grande structure, c'est surtout en exploitation. Familiale. La plupart du temps, oui. Comme dans le milieu agricole, c'est toujours une transmission familiale. Qu'est-ce que ça représente le monde agricole aussi politiquement, traditionnellement, ici? Quelles valeurs sont véhiculées ici? Il y a une transformation. Il y a une transformation du... Traditionnellement, le monde agricole est de droite. Donc anciennement RPR, UMP aujourd'hui, les Républicains. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements. Ça part aussi vers le Front National. Donc il y a, alors que c'est antinomique, l'agricole, la PAC, l'Europe et le Front National. Il y a des choses qui ne se recoupent pas. Vous n'avez pas toujours été cafetier ? Non, j'ai pas toujours été cafetier, j'ai eu plusieurs vies, oui. J'ai été assistant parlementaire de M. Delevoye pendant une douzaine d'années. Donc, un compagnon ? Un compagnon, oui, tout à fait. RPR à l'époque. Vous êtes resté un compagnon ou vous avez vous aussi évolué? Non, je crois que le RPR s'est éteint, je me suis éteint avec lui. Je suis resté RPR dans l'âme, je suis resté gaulliste. Donc je n'évoluerai pas vers les extrêmes. D'accord. Juste pour le plaisir, hein, attendez. Voilà. De vieux souvenirs. Vous allez pleurer? Non, du tout. Oh non, c'est plus du tout l'époque. C'est autre chose maintenant. C'est très vieux ça. Mettez son pouce devant. Donc là, vous pouvez vous exercer à tour de rôle. On se répartit. Vous êtes 22, on va faire deux groupes de 11. On va répartir les pièges également selon les catégories. Et ça va être à vous, du coup, maintenant de manipuler ces pièges. Fais gaffe à ton doigt. Non, tu peux pas tes doigts touchent. 2018, qu'est-ce que ça représente obtenir son permis de chasser? Moi, je crois qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chasse. Pour pouvoir en parler, la moindre des choses, ce serait déjà d'avoir le permis de chasser. On y apprend des choses qu'on n'apprendra jamais ailleurs. Permis de chasser obligatoire. Ça serait pas mal. Pour parler d'écologie, pas pour tout le monde, mais pour parler d'écologie, voilà. C'est un vrai bon diplôme. Alors évidemment... Ça fera pas rêver les intellos de France, hein, ou les écolo-bobos qu'il y aura à la chasse. C'est un diplôme rural de terrain. Enfin, on est baigné dedans quand on est petit, et puis ça, le goût, il vient. Donc, je peux comment expliquer mieux. Est-ce que tu te considères comme le dit le slogan de la fédération, les chasseurs sont les premiers écolos de France? Oui. Ça te parle? Oui, bah j'ai vu un reportage, enfin une vidéo, une courte vidéo, j'ai vu. Et ça te parle? Tu te sens... Bah oui, parce que bah, je trouve déjà la préservation du... Préserver le gibier, enfin c'est quand même écolo. Et bah, par exemple, là, ce qu'on suit notre formation piégeage, c'est on... On détruit pas une espèce, mais on la régule pour en préserver une autre. Donc pour maintenir un équilibre de la faune. Tu as quel âge? 18 ans. Le permis, ouais, on l'obtient à 16 ans. Et dans cette aventure personnelle, voilà, à quoi sert le fusil? À quoi te sert cette arme en plus? Et le moment de la détente? Sur le fusil, qu'est-ce que ça te procure? Bah nous ça nous enfin ça avec le temps ça représente enfin on n'y fait plus trop très attention mais enfin c'est pas normal mais je sais pas comment dire. Mais la première fois c'était quand même particulier d'appuyer sur la détente. Bah la première fois oui. Alors du coup la première fois c'est un peu c'est bizarre mais après on s'y fait. Bon je fais l'appel vite fait pour vous faire. Jules, ouais. Corentin, ouais. Enzo, ouais. Yann, ouais. Charlotte, ouais. Paul, ouais. Auguste, ouais. Théophile, ouais. Mathieu, ouais. Grégoire, ouais. Florian, ouais. Alice, oui. Victor, ouais. Louis, ouais. Paul, ouais. Romain, oui. Et Jules, t'étais déjà passé toi. L'autre classe, Clément, oui. Thomas, Adrien, de Rugier, ouais. Ceux Delport, il est là. Rapprochez-vous les gars, rapprochez-vous, il y a de la place. Simon, Julien, je l'ai vu. Adrien, je l'ai vu. Et Emeline, ouais. Elle est là. Très bien. Bonjour. Alors, on va bientôt quitter l'Institut Saint-Éloi, mais on a appris plein de choses. Du coup, la dernière question, c'est la première. Vous avez perdu au hand, c'est ça? Oh, on va pas mettre la prévention à toi. On ne peut pas garder le secret. Tu vois, tu veux mettre dans la poubelle. On s'est fait voler au hand. Ok. Du coup, nous sommes venus à l'Institut Saint-Éloi. Ici, Thomas Vacher a choisi d'appeler cette option option cinégétique et faune sauvage. Cinégétique et faune sauvage. Qu'est-ce que veut dire cinégétique? Favoriser, gérer un écosystème pour favoriser la gestion d'un territoire pour son gibier, quoi. C'est plus beau. Vous avez quel âge? 16 et 18. Qui a son permis de chasser? Tous. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Johnny. Johnny. Trois cafés gourmands. Ouais, trois cafés gourmands. Ouais. Ça c'est la base. Et trois cafés gourmands, c'est quoi ça? C'est une musique à nos souvenirs. Attendez, à nos souvenirs. Ouais, bon. Allez chanter tous. Ah exactement. 1, 2, 3. Oublié ce coin de paradis, ce petit bout de terre. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Bac, mention chasse. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Merci aux jeunes de l'option cinégétique et faune sauvage, Emeline, Benoît, Xavier, Raphaël, Lucas, Charlotte et Alice. Mixage, Alain Joubert. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en